pu jouer tout ce temps. Pourquoi ne pas te démasquer avant? En mentant, c'est toi que tu trompais. La victime n'est pas celle que tu croyais. Longtemps, je suis restée les yeux fermés. Aujourd'hui, je suis bien éveillée. Je mets fin à ton petit jeu. Pour pleurer, il ne reste que tes yeux. Voilà que j'aperçois ton arrogance, accompagnée de ta violence. Un peu plus loin, voici ton mépris. Dieu merci, mon esprit est éclairci. Si j'avais su qui tu étais vraiment, si j'avais su, j'aurais agi autrement. Si j'avais vu un peu plus clair en toi, si j'avais su, nous n'en serions pas là. Pour moi, tu étais l'homme de ma vie. Tu ne faisais que jouer la comédie. Mes sentiments trop forts m'ont aveuglé. C'est tout ce que je peux me reprocher. Tu voudrais avoir une dernière chance. C'est trop demander à ma patience. Je n'ai plus rien à te dire. Ouvre les yeux, regarde-moi partir. Voilà que j'aperçois ta faiblesse, accompagnée de ta détresse. Un peu plus loin ton hypocrisie. Dieu merci, mon esprit est éclairci. Si j'avais su, j'aurais agi autrement. Si j'avais vu un peu plus clair en toi. Si j'avais su, nous n'en serions pas là.